Guillaume Riz, Riz la bomba. Ça va les amigos, oui. Là, j'ai lu un article dans le Huffington Post, meilleur titre ever. C'était titré « La personnalité des connards expliquée par la science ». Oui, j'ai lu. J'étais là, enfin, j'ai lu. Enfin, aussi, merci la science. D'habitude, la science, ils te parlent le truc abstrait, genre le boson de Higgs et tout. Toi, tu vois pas ce que c'est le boson de Higgs, t'en comptes pas au quotidien. Alors qu'un connard, à minima, on en connaît tous un, et pas uniquement dans la bande originale. Quoi. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans un contexte où ça pullule, mais c'est une sorte de pépinière ici, tu vois. C'est un peu le croissant fertile et la vallée de l'Indus réunis, tu vois. Ici, tu peux entendre des phrases du genre « Mais imagine, il y a France-Belgique en demi-finale à la Coupe du Monde au Qatar, imagine !» Mais genre plusieurs semaines de suite, cette phrase, tu vois, sans que l'auteur se fatigue. Là, il y a un boulevard pour le CNRS ici. Franchement, il y a trop à étudier. Ils ont fait une enquête sur 400 personnes dans une université américaine. La première question, c'était « Pouvez-vous décrire le plus gros connard que vous connaissez personnellement ?» C'est pas la meilleure enquête de tous les temps. Et ça change les enquêtes téléphoniques. Tu vois, moi, 7 fois par semaine, on m'appelle pour me demander sur une échelle de 1 à 10, quoi, combien vous estimez que vous aimez les yaourts à la myrtille ? Et je réponds sur une échelle de 1 à 10, meurs dans un ébouli, fils de fluff. Et je raccroche. C'est si on m'appelait pour me demander est-ce que vous auriez 5 minutes pour décrire la plus grosse pelle à merde que vous connaissez ? Je crois, mais tellement. J'ai même une heure et demie, frère. Tu veux quoi ? Des anecdotes, un partage de contact ? Tu veux le fax de Daniel ? Vraiment, moi, je serais là. En gros. Après, d'après cette étude, les gens qualifiés de connards, ils ont souvent le même genre de caractéristiques, tu vois, agressif, manipulateur, désagréable, irresponsable ou colérique. Et ça défonce que ce soit objectivable scientifiquement d'être un connard, tu vois. Genre, tu vas chez le médecin, qu'est-ce que j'ai, docteur ? Écoutez, je vais pas aller par quatre chemins. Connard, stade 4. Ah non, qu'est-ce qui me reste comme option ? Ah, c'est dur à dire, je sais pas, peut-être arrêter de klaxonner en voiture pendant un mois et vous revenez au cabinet, tu vois. N'empêche, ce soir, pendant le débat, imagine ça part en insulte. Genre la retraite à cet âge-là. Mais espèce de sombre connard ! Ah, avec Macron qui est là, je ne vous permets pas de me salamer, tu vois. Vraiment, pas savoir ce qui peut se passer. Moi, ce soir, je rappelle que c'est en direct, c'est en 2022 et c'est devant 16 millions de personnes. Vous connaissez le dernier truc qui a été retransmis en direct ? Ah, en 2022, devant 16 millions de personnes, les Oscars, tu vois. Et depuis les Oscars, moi je dis tout est possible, hein, parce que je rappelle qu'avant les Oscars, il n'y a personne qui disait Will Smith, il a l'air un peu bougon, non ? Personne disait ça. Personne disait ça. Personne l'avait vu venir. Mais ce soir, moi, il n'y a rien qui peut me surprendre ce soir. Si Macron il arrive sur le plateau en faisant alors Macaille, t'as étudié tes fiches et t'as ici ? Avec Gilles Boulot qui fait pom pom pom pom. Comment il t'a mis dans la salsa ? Et je me dirais juste, ouais, c'est 2022. Quoi. Tu vois, franchement, moi normalement, ceci dit, Marine Le Pen, elle sera mieux préparée cette fois-ci, apparemment. Et on salue Tanguy Pastureau qui est auprès d'elle toute cette semaine pour la coacher. Allez, franchement, j'ai pas envie que Marine Le Pen passe, mais quelque part, Tanguy, c'est un ami, tu vois, donc je suis entre le marteau et l'enclume. Elle est béton, Marine Le Pen. Elle a étudié tous les débats depuis 74. C'est sûr qu'à chaque question, elle va répondre « Vous n'avez pas le monopole du cœur. » Oui, mais là, c'est la météo, Madame Le Pen. « Oui, mais bon, vous n'avez pas le monopole du cœur de lancer des cyclones non plus. » Oula, cette phrase. Apparemment... Oh la vache. Cette vanne, elle est passée dans le cimetière des vannes immédiatement sans passer par l'antenne. Et apparemment, si, elle est passée par l'antenne. Sérieux ? Je lui ai mis la misère à cette vanne. Il n'y a aucun mot qui est sorti. Mais apparemment, elle s'est mise au vert. Vous savez, elle a tout étudié, quoi, Le Pen. Franchement, elle aura des réponses à toutes les questions, apparemment. Tu vois, Salamé, elle va lui faire meilleur temps de maturation du comté. Elle sera là 24 mois. Gilles Boulot, il va lui faire Madame Le Pen, vous la connaissez, celle du panda qui était déprimée. Elle sera là absolument. Et il se panda, non ? Ouais. Ça, c'est Tanguy qui lui a appris. Et moi, ça me fait mal, ceci dit, que ce soit une faf qui soit la challengeuse, parce que franchement, quelque part, il y a une partie de moi qui aime bien les remontadas, quoi, tu vois. Vraiment, c'est peut-être ça qui fait la différence, qui va faire la différence pour Macron, tu vois. D'ailleurs, tous les supporters du PSG vont voter pour lui, en fait, tu vois. Pour la remontada, ouais. C'est pas pour conjurer le sort. Et de toute façon, moi, le débat, il cristallise les intentions de vote en général. Ça bouleverse rien, en réalité, le débat de ce soir. Si on voulait vraiment que ça ait une influence sur dimanche, c'est ce qu'il faut faire, pas faire un débat. Moi, je dis, on les envoie à Pékin Express tous les deux, quoi. C'est-à-dire, là, les Français, ils verraient comme ils s'y prennent pour résoudre des problèmes concrets à deux sur une tyrolienne à quatre mandats, tu vois. Avec Macron, je fais Marine, je fais quoi avec la poulie. Et l'autre qui fait « Ah, quand il n'y a pas McKinsey, hein, qu'on est plus t'es perdu, hein, connard !» Allez, vivement ce soir. Bonne émission, les amis. Merci, Guillaume Riz. C'est des spectacles, un endroit où on peut... Ouais, même s'il y en avait une, dedans, je ne l'aurais jamais donné. La Renaissance en juin. Renaissance en juin. Renaissance en juin. Au théâtre de la Renaissance en juin. Ouais, c'est pas confirmé. Le pauvre. Oh, la violence. La violence.